auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement consacré aux arts visuels à Québec. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro, à la co-animation avec Gentilhomme à France. Bonsoir Gentilhomme. Bonsoir Myriam. Donc ce soir à l'émission, on a discuté avec Delphine Eguesbord pour la deuxième partie de sa chronique sur le parcours d'art public Le Jardin d'hiver, qui est présenté pour une deuxième édition, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre des activités réconfortantes de la ville de Québec. Puis, Gentilhomme, toi, tu t'es entretenue avec Mélissa Quillon pour discuter de son installation photographique « Nous sommes le récit » qui est présenté dans les fenêtres du Centre Vue. Et oui. Ce soir, c'est toi qui s'est amusée à nous faire une sélection musicale. Donc, on découvre des extraits de l'album Miss Universe de la chanteuse Niloufer Yania, donc, qui est une chanteuse au bagage métissé. Donc, son père est turc, sa mère est irlandaise. Elle a également des origines de la Barbade dans son bagage. Donc, et puis, elle fait une musique très entraînante et avec des influences indie rock, de soul, de jazz, de trip-hop. Donc, on a vraiment une belle... pop, intime, jazzy, soul, un très, très bel album. Et c'est un album Miss Universe qui est sorti en 2019. Et on va commencer avec le premier extrait, la pièce « Paralyzed ». Never do I to think about the sun is too high to make sense out of it. Never do I mean what we talk about it. Never too high. Thank you. sommes de retour à l'aérospatiale, Myriam Leland et Gentiane Lefrance avec vous à la maison. Et nous avons avec nous Delphine Eggesbar qui fait son deuxième volet de son appréciation de cette exposition dans l'espace public Jardin d'hiver, donc un projet qui est présenté par Manif d'art. Bonjour Delphine. Allô! Et on a fait la partie est du projet, non, ouest du projet il y a 2 semaines, puis là on se dirige un peu plus vers l'est. Par quelle œuvre voulais-tu commencer? Bien, en fait, on peut dire que ça, c'est, disons, une boucle où on peut se promener du côté des quartiers Saint-Jean-Baptiste puis du Vieux-Québec. Là. Comme tu le disais, il y a quelques semaines, on s'est plutôt attardé aux œuvres qui étaient en basse-ville de Québec. Puis en fait, c'est un parcours ou en fait un segment là, du jardin d'hiver qui est assez touffu, où on est encore sous ce thème-là des apparitions fantastiques. Puis on peut débuter par le projet ou les projets qui s'intitulent Absence, qui sont co-présentés par Avatar au Passage Olympia. Faut dire que d'abord, on se met un peu en contexte. Le Passage Olympia, c'est une sorte de place éphémère qui a été installée sur le site d'un ancien cinéma qui était sur la rue Saint-Jean, tout près de l'intersection avec Honoré-Mercier. Et puis c'est à cet endroit-là où jusqu'en 1946, il y a eu un cinéma en fait sur ce site-là durant quelques décennies. Et Avatar en fait a invité 3 créateurs, 2 créateurs, 1 créatrice, à imaginer en fait des œuvres sonores. Mais en fait, ce sont des personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma. Fait qu'en fait, ces 3 propositions audio qui sont diffusées sur le site s'inspirent justement d'un cinéma d'un cinéma en aveugle, si on pourrait dire. Donc, un cinéma qui serait essentiellement sonore. Donc, on n'a pas des images, mais ça ne nous empêche pas d'être vraiment plongés dans des histoires, dans des espaces, des univers. C'est très intéressant là, d'entrer dans chacune de ces histoires-là qui sont à peu près chacune une 15aine de minutes, en fait, chacune de ces propositions-là, je devrais dire, parce qu'il y a toujours cette sensation-là d'une narration, d'une histoire qui nous est racontée, de lieux dans lesquels on se plonge, mais c'est des approches très différentes les unes des autres. Par exemple, on a Anne-Marie Bouchard qui est beaucoup plus dans les sensations, des impressions de lieux, presque des souvenirs. C'est un cinéma qui est très descriptif, mais la description nous donne en fait l'impression de presque lire un roman, d'être plongé dans un univers, la lumière qui vient se frapper sur une vitre, plein de petits détails, des mouvements qui sont décrits. Donc, on plonge vraiment dans ces atmosphères-là tout au long de sa proposition. Alors qu'on a une autre proposition qui est complètement différente, qui est celle de Jérémy Peter Allen, où on suit une enquête policière qui retrace l'incendie justement qui a détruit le cinéma Olympia en 1946. Fait qu'à ce moment-là, on est vraiment dans une narration plus typique où on a des personnages. On est plus près du balado d'enquête, là. Oui, c'est ça. On suit le policier, en fait, qui va interroger justement des témoins ou des personnes d'intérêt dans cet incendie-là. Et si je ne me trompe pas, il y a un côté fictionnel aussi, donc il mélange un peu la réalité et la fiction dans cette œuvre. Ah, mais je ne connais pas, je ne pourrais pas dire. Donc on laisse planer le doute. Mais on est vraiment. Il y a certainement une part de fiction parce qu'il y a des dialogues qui sont imaginés et tout ça. Fait que j'imagine qu'il y a une certaine liberté qui entre en considération ici. Fait que vraiment, puis le troisième créateur, en fait, c'est David Nadeau-Bernacchi, où il y a vraiment une forte présence, c'est du bruitage, une histoire aussi, justement, en 6 tableaux qu'on peut expérimenter, en fait, sur les lieux. Fait que ça vaut la peine d'aller s'installer, s'habiller chaudement pour aller vraiment faire l'expérience de ces diffusions-là, qui débutent à 15 heures à tous les jours. Donc, ça vaut la peine aussi de vraiment prévoir son passage dans les heures de diffusion de 15 heures à 20 heures sur la rue Saint-Jean. Puis c'est intéressant. Ça vient. Oui. Ben, Gentiane, en fait, c'est que tu parlais de la balado de l'histoire policière, justement. Puis pendant que Delphine nous expliquait cette œuvre-là, je me disais justement C'est super intéressant parce que pendant la pandémie, je suis probablement pas la seule à avoir fait ça. J'ai découvert énormément de podcasts et de livres audio. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée tout au long du confinement. Puis je trouve ça super intéressant de déplacer ça dans l'espace public puis d'y assister avec d'autres personnes. Pour moi, la balado, c'est vraiment quelque chose que j'écoute dans mes écouteurs, dans mon chez-moi. C'est très intime. Pour moi, la relation au balado, là, ça vient comme, ben, pour un lack of a better word, pour le dire en anglais, ça vient comme flipper un peu cet espace intime-là dans l'espace public, puis ça devient quelque chose de communautaire. Je trouve ça vraiment beau. C'est un peu de ça dont je voulais parler aussi, l'expérience de faire l'expérience de ces œuvres qui sont entièrement audio. On est là, on est debout devant les caisses de son qui sont dirigées vers la Oui. placette, mais on est à la rue, face à l'animation de la rue, face à ces gens qui passent sur le trottoir, qui se demandent qu'est-ce que tu fais là, debout, à regarder un peu le monde qui passe. Oui. Donc, il y a comme une espèce de mélange aussi qui se fait entre ces univers-là et l'animation. Moi, j'étais là autour de 4-5 heures, donc l'animation de la rue, les voitures qui passent, les gens qui parlent, qui crient, qui s'interpellent. Il y avait vraiment comme le son est tellement bon, parce que bon, c'est des œuvres sonores, c'est produit par Avatar, on s'entend, le son est extrêmement bon. Donc, il y a comme une espèce de confusion qui s'installait entre la vie réelle et puis l'œuvre auquel on assiste. J'avais vraiment trouvé ça spécial comme Puis expérience. l'emplacement aussi de la place Olympia, justement, et c'est vraiment entre deux buildings. On a l'impression, en fait, ben, c'est littéralement ça, de se trouver à la place d'un building où On il est dans le devrait y fantôme. avoir. Oui, C'est on est ça, on dans est le vraiment dans fantôme le de fantôme. l'Olympia. Puis c'est comme si on était derrière un miroir double, un Oui. miroir teinté, une vitre teintée. Puis qu'on regarde les gens sans vraiment qu'ils remarquent qu'on est là. C'est vraiment une expérience en deux temps. C'est vraiment une belle installation, en effet. Mais on continue de parler de Jardin d'hiver au retour de notre pause audio. The price, but now you're here. The birds appear. Don't depend. Behave every day. I found it made sense. But you're getting hurt. You do this anyway. In paradise. I'll pay the price, but please don't leave this up to me. Don't descend. Behave every day. I found it makes sense. Not all the time, but every now and then I get that you're a mess. But I'm out my mind. This is what it feels like. I'm not sure I feel it tight. Do without talk, go without taste. Celebration. Think it might take me a week to recover from this feeling. We're feeling through the darkness of graduation. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland et Gentiane Lafrance à l'animation comme d'habitude. On est encore accompagné de Delphine et Gisbert parce qu'on n'a pas terminé de parler de jardins d'hiver. On pourra en parler longtemps, longtemps, surtout à trois comme ça. Donc Delphine, de quelle autre œuvre tu voulais nous parler? Ben en fait, on va enchaîner en quelque sorte une séquence de trois œuvres qui ont un caractère, à mon avis, un peu plus pictural, là, même si ce sont des œuvres à la fois vidéo et des impressions. Donc, si on poursuit un peu notre chemin vers la place d'Youville, on a un ensemble d'une vingtaine de dessins réalisés par le duo Demers-Ménard, donc Fanny Ménard et Isabelle Demers, qui travaillent déjà en collaboration depuis quelques années et qui proposent un ensemble de dessins, de collages qu'elles ont réalisés à quatre mains. C'est des dessins réalisés à l'encre, à l'aquarelle, à l'acrylique. Et il y a de la pyrogravure aussi qui a été impliquée. Puis on est vraiment dans un travail de... Je trouve un peu autour de l'univers du conte, si on veut. Il y a plusieurs personnages en métamorphose, mi-humain, mi-animal. On a comme des protagonistes vraiment qui nous donnent l'impression des fois d'assister à une petite scénette ou à une rencontre ou qui suggère un lieu fantastique. Il y a une forte un présence peur, de la végétation. Ça fait un peu peur, tu dis. Ouais. Mais oui, il y a peut-être quelque chose d'un peu chargé dans ces histoires-là. Moi, ça me fait penser beaucoup au deuxième de couverture. Quand j'étais petite, j'avais des livres de contes, justement, puis les deuxièmes de couverture étaient tout décorés de fleurs et d'animaux comme ça. Puis plus on regardait, ça faisait un peu de tapisserie médiévale, là. Plus on regardait, plus il y avait des trucs bizarres qui apparaissaient. C'est vraiment une esthétique qu'on retrouve dans ces œuvres-là. Mais je pense qu'il y a comme quelque chose d'un peu inquiétant, surtout dans le travail d'Isabelle Demers, là, parfois, où la nature est foisonnante, très, très présente, du côté aussi de Fanny Ménard, mais je pense que ce côté-là, un peu inquiétant, on le retrouve beaucoup dans son travail solo à Isabelle Demers, puis il teinte peut-être un peu aussi ce travail-là en duo, très certainement. Maintenant, si on poursuit un peu plus loin dans le Vieux-Québec, on peut assister à la projection sur la Maison Mailloux d'une vidéo de Boris Labbé, un artiste qui œuvre aussi dans le domaine du cinéma d'animation, cinéma expérimental. C'est co-diffusé avec la bande vidéo à la Brunante jusqu'à 21h, donc l'heure peut-être qui nous permet le couvre-feu là, pour tarder un peu en soirée à l'extérieur. Et cet artiste-là a vraiment une facture qui est très intéressante là, dans son travail vidéo. Le dessin est très présent, il travaille justement avec des techniques qui sont propre au cinéma d'animation qui se combine aussi avec des technologies plus actuelles numériques du cinéma. L'aquarelle. Oui, c'est ça. Couleurs. On dirait vraiment qu'il travaille soit avec l'aquarelle à l'encre. En fait, c'est près de 300 dessins là, qui ont servi à la réalisation de cette vidéo-là d'une dizaine de minutes. Ce qui frappe d'abord, c'est qu'on aperçoit des dizaines de petits personnages aux couleurs très, très vives sur un fond blanc. On a l'impression que les personnages s'étirent, marchent, tombent, se relèvent, mais il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Puis l'image, c'est une image panoramique, puis elle se déplace tranquillement de droite à gauche, comme si on avait une espèce de très grande bande de papier qui venait se glisser là, devant nos yeux. Puis plus on observe, plus on se rend compte qu'il y a certains personnages qu'on revoit, tu sais, qu'on voit rejouer certains gestes. Puis finalement, c'est comme si cette foule-là qu'on avait devant nous, c'était la juxtaposition de plein de petites scénettes, de plein de petites animations qui sont comme collées les unes à côté des autres puis qui défilent, puis qu'on revoit en boucle, mais c'est tellement... Ils sont tellement nombreux qu'on a de la difficulté à les repérer, à les reconnaître, puis on a une sensation de voir se rejouer certains gestes. Un peu comme des... on est trop enthousiastes de parler jardin d'hiver. Mais quand moi, j'ai pas eu la chance de le voir en personne encore, mais quand on regarde la vidéo qui est disponible sur le site web de Manif d'Or, puis qu'on la regarde du début, justement, ça commence sur un plan blanc. Puis là, c'est un à un, on voit justement les personnages défiler de droite à gauche de l'écran. Puis là, on remarque vraiment cette boucle-là qui est accompagnée par une boucle de son aussi, parce que chaque personnage a son son. Puis là, plus il y en a, plus ça devient cacophonique. On dirait une danse, là, c'est magnifique avec les couleurs en plus sur le fond blanc, ça ressort vraiment. Jean-Tiens, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais moi, je faisais un parallèle avec la sérigraphie où on retrouve les mêmes motifs qui peuvent être réimprimés plusieurs fois sur une série d'œuvres ou sur la même œuvre. Donc, on retrouve un peu cette espèce de code-là, là. Et puis, il y a également l'œuvre de Mathieu Valade qui est présentée à Place Royale, Delphine. Là, on retrouve le procédé qu'il avait utilisé à la Galerie 3 avec ses gros panneaux publicitaires. Tout à fait. Donc, avec le bruit des vents, on retrouve cette fois-ci quatre écrans verticaux avec des diodes électroluminescentes qui sont placés à la verticale, donc avec cette présence assez sculpturale là, dans l'espace. Puis, on retrouve un peu ces mêmes recherches-là. On entre un peu la facture, la matière brute de l'image, les pixels, les lumières d'ailes qui composent cet écran-là, la trame de l'écran qui fait apparaître l'image et les images qu'on retrouve qui sont des images filmées d'une forêt, de végétation en mouvement. Donc, on a ces quatre écrans-là qui ne présentent pas les mêmes images, pas la même image en continuité non plus, mais on retrouve ces mêmes textures-là, les mêmes motifs. Puis, on a ce mouvement comme d'aller-retour entre des pixels qui sont assez petits pour nous faire apparaître une image assez nette et des pixels qui grossissent puis qui se donnent vraiment comme une matière, finalement comme une trame de couleurs. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir finalement ces décalages-là apparaître, puis toujours dans une relation dynamique entre ces quatre écrans-là qui sont toujours en relation dynamique, mais qui ne présentent pas exactement la même chose au même moment. Donc, c'est une belle continuité, en fait, avec ce qu'on a vu un peu plus tôt cette année là, à la Galerie 3. Et puis moi, il y a un scoop que j'ai appris aussi, là, j'ai croisé l'équipe qui est en train de faire le montage, c'est que Mathieu Valade, qui habite à Ville-Saguenay, a le contrôle à distance de ces écrans-là. Donc, ce n'est pas des boucles qui sont préparées d'avance, qui défilent, mais l'artiste peut... donc, c'est un work in progress en bon chinois. Donc, l'artiste peut venir intervenir et changer l'œuvre tout au long de sa diffusion. Ah, c'est une belle subtilité que t'amènes. Puis pour ceux qui le revoient, ben j'imagine, tu sais, pour ceux qui le revoient à plusieurs reprises, là, on peut peut-être voir apparaître justement des modifications là, dans la programmation puis des images qui sont diffusées. Là. Ça vaut la peine de la revoir finalement. Oui, tout à fait. Ben, on a jusqu'au 5 avril pour aller voir les installations de Jardin d'hiver sous le thème « Les apparitions fantastiques » et dans le cadre de toutes ces activités réconfortantes que la Ville de Québec nous offre pour passer au travers de ces moments de plus en plus difficiles, vous savez. On rappelle aussi qu'il y a l'installation de l'artiste Amanda Parer dont Delphine a parlé il y a 2 semaines qui sera disponible à partir du 26 mars au lieu historique national Cartier Brébeuf. Donc, ce sont ces fameux lapins lumineux, gonflables, avec une petite twist environnementale qu'on pourra voir, comme je dis, à partir du 26 mars. Mais merci beaucoup, Delphine Gasbar, pour ton compte rendu fabuleux de ce volet 2 du compte rendu des apparitions d'hiver. Mais merci à vous deux! Fantastique! Du jardin d'hiver! Spatiale, Jean-Tienne La France avec vous et j'ai avec moi Mélissa Pilon. Bonjour Mélissa. Bonjour Jean-Tienne. J'avais envie de parler de cette installation dans les vitrines extérieures du centre Vue à Méduse, l'endroit qui est fermé en ce moment, mais on peut voir par les fenêtres. Et là, les fenêtres sont occultées par un de tes projets qui s'appelle « Nous sommes le récit ». Puis je te lancerai là-dessus. D'où te vient ce titre « Nous sommes le récit » ? Oui, ben en fait, nous sommes le récit, ça a une formule au présent, malgré que ces images-là viennent d'un temps passé. Donc c'est un travail sur l'archive, parce que ces images-là sont certainement la fabrique d'un récit, si bien qu'on peut les lire ou les raconter à notre façon. Moi, je les ai assemblées, je les ai fragmentées de cette façon-là. Mais il y a aussi dans ces masses noires-là et ces espaces de lumière, une preuve tangible de notre existence. Donc, ce « nous », c'est nous ensemble, mais c'est aussi les images, c'est aussi les images de nous. Donc, cette capacité de décrire l'histoire par le rassemblement, par l'affluence de nos corps, mais aussi cette possibilité-là de réécrire avec les images. Par l'imaginaire qui vient interpréter aussi ce triptyque, parce que c'est un triptyque, on va le dire. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, là, pour ceux et celles qui sont passés rapidement sur la Côte d'Abraham ou qui n'ont pas vu le projet, qu'est-ce qui se trouve dans ces images, Mélissa Pilon? Oui, ben en fait, c'est ces trois images qui sont tirées de mon corpus d'images d'archives sur la foule que je collectionne depuis 2015, juste pour un peu situer les auditeurs. C'est ces trois images en noir et blanc, avec des hauts contrastes, ces trois temps, mais qui se lient entre elles. Donc, dans la première fenêtre, on voit un rassemblement à vol d'oiseau, donc un attroupement autour d'un avion au centre de l'image, une masse blanche lumineuse, qui donne une sensation de grandeur, mais aussi d'immensité de la foule entassée. Dans la deuxième image, la fenêtre du milieu, il y a une masse blanche au centre, mais la masse est formée de personnages vêtus de blanc, d'un même costume. On peut discerner des instruments de musique d'une fanfare, et on sent la présence d'un rassemblement sombre qui suit l'orchestre, comme une affluence qui fait contraste avec la blancheur ou la clarté du noyau central des musiciens. Et la dernière image, c'est celle qui orne le portique, donc la porte d'entrée. C'est une foule, au contraire, qui semble beaucoup plus passive, comme en attente de je ne sais quoi, mais dont les visages sont saturés par la surexposition des blancs. Donc, on arrive à peine, en fait, à reconnaître les traits de leur visage. Oui, puis les taches de lumière sont beaucoup plus dispersées dans l'image, alors que dans les deux autres images, les parties lumineuses sont au centre. Là. Exactement. Et donc, tu parles de ce projet dans lequel ça s'inscrit, un projet de longue haleine, Mélissa Pilon, donc un projet autour de la recherche d'images qui représentent des foules. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ces images-là s'inscrivent à l'intérieur du projet, puis comment tu en as fait la sélection? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un projet qui a commencé en 2015, mais c'est un travail, en fait, sur l'archive, donc un travail de réflexion sur la photographie, sur la mémoire forcément aussi, sur les relations spatio-temporelles des images entre elles, qui va au-delà de l'identitaire, qui va au-delà du politique ou de la géopolitique, comme on pourrait le croire, mais qui met l'emphase surtout sur les structures formelles des images, sur l'observation à travers les formes, à travers les compositions, à travers les contrastes, la densité des noirs, le mouvement aussi, qui sont des images parfois fusionnelles, mais aussi parfois opposées. Puis ces images-là, dans le fond, je les ai sélectionnées. Mais j'ai choisi ces images-là un peu de manière instinctive, mais c'était surtout pour créer un centre d'attention avec ces deux images-là principales, donc comme tu disais tout à l'heure, avec le centre en blanc. Mais je pense qu'il y a aussi il y a une similarité dans les images. Il y a quelque chose qui les lie entre elles par le bruit photographique, mais aussi par cette densité-là, ces masses noires, où est-ce qu'on discerne à peine l'identité des gens qui s'y trouvent. Mais ouais, en fait, ces images-là, c'est surtout, je pense, qui amènent à une réflexion sur l'être ensemble. Donc, sur cette sensation de l'être ensemble, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous lie? Donc, ce rapport-là à la collectivité. Et puis, quelque chose de très... qui résonne beaucoup, beaucoup avec la situation actuelle où on ne peut plus s'entasser comme ça en foule. Puis, on devient presque nostalgique en voyant ces images-là où on devient déstabilisé parce qu'on n'a plus l'habitude de voir ou de vivre des rassemblements de telle manière. Mais c'est certain que mes images sur les foules ont pris vraiment un contexte, une dimension nouvelle, une signification nouvelle dans le contexte de la pandémie, qui certainement modifie notre regard puis notre perception sur la foule, puis ça questionne aussi l'archive autrement. Mais oui, ça nous confronte certainement à notre condition présentement, au désert des villes actuelles. Mais il y a aussi ce rapport-là à la fenêtre qui nous amène dans l'ailleurs. Tu sais, c'est une fenêtre. C'est... Puis ce que j'aime aussi de ce projet-là, c'est que le fait que les images sont collées sur la fenêtre, on peut presque s'y voir dans le reflet de la vitre. Tu sais. Fait que c'est oui, aussi... surtout qu'elles sont très sombres. Oui, fait qu'il y a aussi ce regard-là sur la foule, mais ce regard-là aussi sur soi. C'est sur où est-ce que sur qui on est, nous, que, vers où on a été, vers où on est allé, vers où, aussi là où nous allons. Fait qu'il y a ce questionnement-là sur l'être ensemble. Une autre réflexion qui émerge de ces images exposées dans les vitrines de vue, Mélissa Pilon, c'est l'agrandissement, puisque c'est un travail de recherche d'archives. Ces images, à l'origine, elles se retrouvent dans des livres, dans des magazines, dans des cartes postales peut-être, et puis là, elles sont agrandies, installées dans des vitrines. On peut en discerner une différente texture. Est-ce que c'est la première fois que tu agrandis les images de ton travail de telle manière? Et puis, comment tu perçois ce traitement-là des images? Mais j'ai eu en fait l'occasion de travailler mes images de foule dans un des formats plus grands, notamment dans le cadre des rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, où est-ce que j'avais fait des espèces d'agrandissement sur des stèles, sur des blocs de bois. Donc, les images étaient agrandies. Mais c'est ça. Ici, c'est vraiment... Le rapport est vraiment impressionnant, qu'on me dit. Là. C'est quand même des fenêtres très grandes. Puis c'est des agrandissements d'images d'archives. Je pense que ça permet aussi un nouveau rapport à l'image de par leur grandeur, comme tu dis. Parce que quand tu regardes des images de foule dans un livre, on dirait que c'est comme tes yeux, tu te plonges dans l'image, alors que là, t'es vraiment... Il y a un rapport de proximité différent à la foule. Il y a une espèce d'inclusivité presque. Là, on parlait du reflet qu'on a quand on perçoit l'œuvre, alors que là, on est quasiment projeté dans la foule avec ce format-là. Exactement. C'est comme une espèce de corps à corps ou un face-à-face avec la foule. Et puis, ce projet, nous sommes le récit, est installé dans les vitrines de vue, mais en ce moment, tu travailles également avec ce centre d'artistes-là dans le cadre d'une bourse à l'édition, Mélissa Pilon. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de où est-ce que tu en es dans cet accompagnement que Vue fait pour ton travail d'édition? Puis c'est quoi l'objectif là, de cet accompagnement? Oui, bien, dans le fond, c'est une bourse que j'ai reçue dans le cadre de la programmation annuelle de Vue, qui s'intitule « Quelque chose entre nous ». Donc, c'est une bourse pour laquelle je remercie d'ailleurs le Centre Vue. C'est une bourse d'accompagnement, donc une bourse d'accompagnement à l'édition que j'ai reçue pour mon projet de livre, ma maquette de livre foule, donc qui est le cœur, en fait, de mon exploration sur les foules. Dans le fond, depuis 2015, j'ai collectionné plus de 200 images que j'ai éditées, que j'ai fragmentées puis recomposées, que j'ai mis en relation les unes aux autres. Donc, j'ai créé plus d'une centaine de diptyques qui se retrouvent dans cette maquette-là initiale. Donc, cette bourse-là, en fait, je le vois aussi comme un encouragement en fait, à réaliser mon but, mon objectif de publier ce livre-là à grand tirage. Dans un monde idéal, ce serait de publier avec un éditeur international en coédition avec un éditeur d'ici, en fait, et pouvoir bénéficier d'un double système de distribution. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Mais présentement, je suis comme en recherche justement d'un éditeur pour la publication de mon livre. Donc, ça va être quand même magistral là, de... Je l'imagine quand même épais, le livre doit y avoir beaucoup d'images à sélectionner, à travailler, à réfléchir. Mm-hmm. Oui, c'est... Bon, en fait, je me suis arrêtée à un certain moment, mais je continue avec le temps de collectionner les images, Mais oui, mais ce que j'aime aussi avec l'idée de publier à grand tirage puis que le livre soit aussi distribué à l'international, c'est que, en fait, ce livre-là, il n'y a presque pas de texte. C'est juste, ce sont que des images, puis il y a ce côté universel que tout le monde comprend les images, tout le monde peut les lire. Tu sais, il y a pas de c'est un langage universel, en fait. Oui, donc on le suit, on se déplace pour aller voir cette exposition qui se retrouve dans les vitrines de vue dans la Côte d'Abraham jusqu'au 31 août. Donc, on a beaucoup de temps encore pour aller voir cette installation. Nous sommes le récit, donc un triptyque photographique à grande échelle de Mélissa Pilon. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, gentille. Nous sommes de retour à l'aérospatial. Nous venons d'entendre la pièce Baby Blue de l'album Miss Universe, toujours de Niloufer Yania, qu'on découvre aujourd'hui à l'émission. Et c'était précédé par une entrevue que j'ai fait moi-même, Jean-Tienne Lafrance, avec Mélissa Pilon. Et j'ai toujours avec moi ma super co-animatrice Myriam Leland. C'est le moment de l'agenda de la semaine, le moment de conclure notre émission en beauté, en parlant de tout ce qui se passe, non seulement à Québec, parce qu'avec avec la pandémie, ça nous a ouvert à beaucoup d'événements qui se passent en ligne, en direct, qui nous permettent d'aller à la rencontre des artistes de notre salon. Alors, on va commencer avec le Saskatchewan Craft Council, qui présente une conférence en anglais de Magali Thibault-Gobeil. Donc, c'est ce soir à partir de 21h jusqu'à 22h. On a aussi une autre présentation d'artistes en Zoom, donc demain, jeudi le 18 mars à 12h30. Donc, c'est Corinne Lemieux qui présente son exposition « L'un avec l'autre en même temps ». C'est présenté par la galerie Écart de Rouyn-Noranda. L'exposition y est présentée du 26 février au 28 mars, d'un coup que vous êtes d'une région orange et que vous avez envie de faire un petit road trip. Mais tout près de nous, il y a Inter le lieu qui présente le lancement du livre de Michael Lachance, Les inventeurs de vacarme, théorie et pratique de la performance. Et c'est juste après, toujours jeudi le 18 mars, mais à 14h, encore en ligne via les applications de visioconférence. Toujours jeudi le 18 mars, ça va être une journée assez occupée. À 17h, vous êtes chaleureusement invités à venir découvrir le résultat des recherches et expérimentations menées par les artistes Maude Corriveau et Karine Locatelli, qui étaient présentes aux résidences d'hiver d'Est-Nord-Est. Donc, ce sera une rencontre virtuelle également. Reposez-vous bien les yeux le mercredi soir, puis jeudi, vous allez pouvoir assister à toutes ces belles conférences-là en ligne. Et puis vendredi, il y a Manon de Pahon, qu'on aime beaucoup, qui, dans le cadre de la conférence de la maîtrise en muséologie et pratique des arts de l'Université du Québec en Outaouais, LUCO, donc va faire une présentation de 11h30 à 12h30, donc ce vendredi 19 mars. Et finalement, la semaine prochaine, donc ce sera mercredi, juste avant l'émission, à 17h, toujours sur Zoom, il y a la Chambre blanche qui reçoit Camille Richard, qui est en résidence de recherche au Centre de documentation. C'était du 9 février jusqu'au 28 mars, donc lors de cette discussion conviviale-là, Camille Richard va discuter de cette résidence-là. Bien, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Myriam Leland, comme à chaque semaine à la maison, vous pouvez rattraper l'émission si vous en avez manqué des bouts, si vous voulez la réentendre, donc en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatiale.wordpress.com. C'est aussi un des meilleurs moyens de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec avec notre calendrier des activités artistiques qu'on tient le plus à jour possible. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Un grand merci à Mélissa Pilon ainsi qu'à Delphine Eggelsbard, notre chroniqueuse de la semaine, et un salut spécial à notre Nicolas Poussin de la mise en onde, Jacques Gignac, toujours confiné, mais qu'on a toujours hâte de retrouver en studio éventuellement. Donc, on se laisse sur une dernière piste de l'album Miss Universe de Niloufer Yania et on se dit à la semaine prochaine, Gentiane. À la semaine prochaine, Myriam. À la semaine prochaine à la maison. From the heat, I'll be lost until we meet. Didn't think I'll be waiting for you. Didn't think I stood chances. Getting high just from the heat. I don't take well to defeat. Didn't think I'd be taking others. Didn't think I'm out of my soul. We'll be right back. time has to be this. I have to be. I'll make you mine. I'll make you mine.